Un robot extraterrestre vient d'arriver dans sa soucoupe au-dessus de Chemillé. Avec sa drôle de musique, il survole la ville. Il croise un lion qui rugit à son passage. En chemin, le robot aperçoit un drôle de livreur automatique. Mais celui-ci a l'air en retard sur sa tournée. La soucoupe décide de prendre de la hauteur. À travers les nuages, elle voit un drôle de clown qui monte et qui descend en riant, comme un ballon de baudruche. Il disparaît dans les nuages, suivi par un drôle d'oiseau. Sur une montagne, un lapin appelle la soucoupe. L'écho de la montagne répète et déforme la voix du lapin. Pour mieux entendre, la soucoupe se rapproche. Et le lapin, heureux, remue sa queue maracas. Sort un petit instrument de musique et commence à jouer pour le robot extraterrestre dans sa soucoupe.